sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Mais bon, une petite pause musicale sera sûrement plus agréable qu'une publicité. Sur Back Market, les appareils tech sont reconditionnés par des experts et garantis jusqu'à 24 mois. Passez au reconditionné. Smartphone, ordinateur, audio, console, adoptez des milliers d'appareils tech vérifiés par des partenaires de confiance. Garantie contractuelle du vendeur pouvant aller de 12 à 24 mois venant en complément des garanties légales de conformité et des vices cachés. Voir conditions sur backmarket.fr. Back Market. En 1840, paraît Qu'est-ce que la propriété ? Succès de librairie, son auteur n'est autre que Pierre-Joseph Proudhon, à qui l'on doit deux éclats dans ce texte. D'une part, à la question « Qui êtes-vous donc ?», sa réponse sans appel « Je suis anarchiste ». D'autre part, sa thèse, non moins sans appel, selon laquelle, je cite, « La propriété est un effet sans cause ». Ou pour le dire autrement et sous une formule plus connue, « As et roi, vous misez ?» Je passe. Je passe. 5 dollars. Plus 1 dollar. Sans moi. Je suis. Méfie-toi, Fred. Dick est un des plus redoutables serviteurs de l'État. L'État me prend déjà tout mon argent, alors. Ah, t'as raison. Pas le seul. Les impôts, c'est le vol organisé. Non, la propriété. Quoi ? La propriété, c'est le vol. Dixit Pierre-Joseph Proudhon. Je ne veux pas acheter de maison. Je veux pas acheter l'appartement. J'ai rien à part une vieille idée. La propriété, c'est du vol. Mais si demain tu me quittais, et si demain tu t'en allais, je souffrirais tellement, même si la propriété, c'est du vol. La propriété, c'est du vol. La propriété, c'est du vol. La propriété, c'est du vol. Bonjour Anne-Sophie Chambost. Bonjour. Vous êtes historienne du droit et professeure des universités à Sciences Po Lyon. Vous êtes en duplex de Lyon dans les studios de France Bleu que nous saluons et remercions. Alors Anne-Sophie Chambost, vous avez écrit notamment deux livres sur Proudhon. Proudhon, l'enfant terrible du socialisme, paru aux éditions Armand Collin. Et puis aussi Proudhon et la norme, pensée juridique d'un anarchiste, aux éditions Presse universitaire de Rennes. Comment expliquez-vous, vous qui êtes spécialiste de Proudhon, une telle postérité hein, dans les films, dans les chansons, de sa déclaration « La propriété, c'est le vol » ? Alors je l'explique parce que Proudhon avait un sens de la formule qu'on retrouve dans d'autres de ses ouvrages, à ceci près que cette formule-ci, la propriété c'est le vol, lui a un peu collé au basque. Et effectivement, toute sa vie d'auteur, il a réfléchi à cette question de la propriété sur laquelle il a un peu évolué, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que toute sa vie, il a dû se justifier effectivement de cette affirmation, comme d'autres, Dieu sait le mal, et effectivement surtout de une autre affirmation inscrite dans la propriété, le premier mémoire, à savoir effectivement qu'il est un anarchiste. Alors comment on peut lier, puisque je l'ai dit, hein, il y a vraiment deux temps forts, enfin deux éclats hein, dans ce texte, qu'est-ce que la propriété ? Je suis anarchiste et la propriété c'est le vol. Comment on peut lier les deux, à savoir l'anarchisme et d'un côté la critique, voire la suppression, si on s'en tient à la dimension littérale de l'expression, la suppression de la propriété ? De façon en fait assez simple, quand on fait un peu d'histoire du droit et du droit de la propriété, il faut se souvenir effectivement que jusqu'à la Révolution française, la propriété est associée au pouvoir. La propriété foncière est associée au pouvoir. En lien par exemple avec tout le système des offices, en fait tous les gens qui assument des fonctions pour l'État royal en sont récompensés par des propriétés. Et du coup, on associe totalement propriété foncière et autorité. Et du coup, moi, il me semble que Proudhon, auquel Marx a reproché un certain nombre d'incohérences, finalement se trouve assez cohérent en critiquant d'un même mouvement, effectivement, l'État, l'autorité, et donc en se revendiquant anarchiste, et en dénonçant, par ailleurs, la propriété, propriété entendue vraiment dans ce texte uniquement dans son sens de propriété foncière. Est-ce qu'on peut dire que cette déclaration de Proudhon qui lui a collé au basque, comme vous venez de le dire, Anne-Sophie Champost, a aussi quelque chose qui résonne encore aujourd'hui parce que la propriété, c'est encore le pouvoir. Alors, c'est plus la même propriété. On n'est plus propriétaire aujourd'hui comme à l'époque de Proudhon et avant. Mais est-ce que finalement, il n'a pas dit une forme de vérité? C'est-à-dire, il n'a pas dénoncé l'essence même de la propriété qui est de relever d'une forme de pouvoir et de domination sur les autres. Oui, incontestablement, effectivement, et c'est pour ça, je crois, que la formule est restée, c'est-à-dire on lit relativement peu Proudhon, mais en effet, tout le monde a plus ou moins entendu parler de cette formule, et de fait, effectivement, ce qui continue quand même à caractériser l'individu, c'est d'être un individu propriétaire, et la propriété induit une forme d'autorité, de domination, et de ce point de vue-là, en effet, la formule de Proudhon fait encore mouche. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, avant qu'on entende le texte de Proudhon, nous présenter justement Pierre-Joseph Proudhon? Donc effectivement, on connaît cette phrase, on l'a peut-être entendue, la propriété c'est le vol. Peut-être qu'on associe Proudhon à l'anarchisme, mais tout ça est un peu vague. Qui était Pierre-Joseph Proudhon et comment en est-il venu à l'anarchie et donc notamment en fait à lier, à identifier l'anarchie avec une critique de la propriété? Alors Proudhon est un paysan, enfin fils de paysan franc-comtois. Il naît en 1809, il meurt en 1865. C'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui s'est fait lui-même. C'est un enfant du peuple. Je crois que ce sont quand même deux caractéristiques un peu fortes qui le démarquent d'un certain nombre d'autres socialistes du 19e siècle qui, pour avoir des convictions tout aussi sincères que Proudhon ne sont pas forcément issus du peuple. Proudhon, dès ses premiers textes, financé dans le cadre d'une pension qu'il avait reçue d'une académie comtoise, l'académie Suard. Dès le début, en fait, quand il candidate à la pension Suard, Proudhon annonce qu'il veut travailler pour le peuple, qu'il veut contribuer à l'émancipation du peuple, et c'est vraiment quelque chose qui l'animera pendant toute sa vie d'homme, sa vie d'auteur. Il se pense d'abord comme un économiste, c'est d'abord par le biais de l'économie qu'il entend réformer ou révolutionner la société, et précisément l'économie politique amène à considérer la question de la propriété. Et puis comme tous les socialistes du 19e siècle, c'est quelqu'un qui vivra dans l'attente du déclenchement de la révolution, la première révolution, la grande révolution, celle de 89 a été une révolution politique, mais la révolution sociale reste encore à faire. Dans ce cadre-là, finalement, eh bien, il sera rattrapé par les événements. Il est un contemporain encore un peu jeune, mais de la révolution des Trois Glorieuses en 1830. Pour le coup, il est un contemporain de la révolution de 1848. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui. Et du coup, toute sa vie, comme les autres socialistes, il attend cette révolution qui doit changer les choses. Et pour autant, face à la violence révolutionnaire dont il a pu être le témoin, effectivement, il n'a pas une approche dogmatique des choses. C'est ce qu'il reprochera à Marx. Il est dans cette idée que, à un moment, il faut émanciper le peuple, mais il faut aussi le protéger des débordements révolutionnaires. Et c'est pour ça que certains considèrent que sa pensée parfois peut-être plus réformiste que à proprement parler révolutionnaire. Et puis il faut aussi préciser, Anne-Sophie Champost, que Pierre-Joseph Proudhon a tenu, parce qu'il faut quand même faire un portrait honnête du personnage, a quand même aussi écrit des textes extrêmement violents à l'égard des femmes et qu'il avait une position très ambiguë avec l'esclavage. Alors, sur la question des femmes, incontestablement, Proudhon est, on va dire, assez décevant, dans la mesure où il considère en effet que la femme n'est pas exactement l'égale de l'homme, même si les deux sont complémentaires. En fait, c'est le couple homme-femme qui l'intéresse. Mais de fait, il a des considérations sur les femmes dont on peut considérer que, elles ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un tel auteur, en rappelant toutefois que si Proudhon avait été seul au XIXe siècle, la situation des femmes se serait améliorée plus tôt. Sur la question de l'esclavage, il est peu clair. C'est vraiment quelque chose qui ressort ces dernières années, un point sur lequel on avait peu réfléchi par rapport à la pensée de Proudhon. Incontestablement, effectivement, il est dans une perspective qui reste pour le coup très très datée. Enfin, il est moins, en effet, sur la question des femmes et sur la question de l'esclavage, il est sans doute moins novateur qu'un certain nombre de ses contemporains. Alors, je vous propose, Anne-Sophie Chambos, qu'on écoute tout de suite et la voix de Proudhon dans un film et la voix de Proudhon à travers un texte. Notre cher, notre grand Proudhon. Chers amis, compagnons, citoyens, c'est avec plaisir que je prends place parmi vous à ce banquet républicain. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, enchaînés à ces nouvelles machines de feu et d'enfer, et qui n'ont parfois même pas le pain pour soutenir leur force. Il faut le dire tout net, tout simplement, on les assassine. On arrive à mon sujet. Qu'est-ce que l'esclavage? Si je réponds, c'est l'assassinat, vous êtes aussitôt d'accord. Alors pourquoi la question? Qu'est-ce que la propriété? Si je réponds, c'est le vol. Dois-je sans cesse devoir m'expliquer? La liberté est un droit absolu parce qu'elle est à l'homme, comme l'impénétrabilité est à la matière, une condition sine qua non d'existence. L'égalité est un droit absolu parce que sans égalité, il n'y a pas de société. La sûreté est un droit absolu parce qu'aux yeux de tout homme, sa liberté et sa vie sont aussi précieuses que celles d'un autre. Ces trois droits sont absolus, c'est-à-dire non susceptibles d'augmentation ni de diminution, parce que dans la société, chaque associé reçoit autant qu'il donne. Liberté pour liberté, égalité pour égalité, sûreté pour sûreté, corps pour corps, âme pour âme, à la vie et à la mort. Mais la propriété, d'après sa raison étymologique et les définitions de la jurisprudence, est un droit en dehors de la société. Car il est évident que si les biens de chacun étaient biens sociaux, les conditions seraient égales pour tous, et il impliquerait contradiction de dire « la propriété est le droit qu'a tout homme de disposer de la manière la plus absolue d'une propriété sociale ». Donc si nous sommes associés pour la liberté, l'égalité, la sûreté, nous ne le sommes pas pour la propriété. Donc si la propriété est un droit naturel, ce droit naturel n'est point social, mais antisocial. Propriété et société sont choses qui répugnent invinciblement l'une à l'autre. Il est aussi impossible d'associer deux propriétaires que de faire joindre deux aimants par leurs pôles semblables. Il faut ou que la société périsse, ou qu'elle tue la propriété. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était donc la voix de Proudhon interprétée par Olivier Gourmet dans Le jeune Karl Marx, un film de Raoul Peck qui date de 2017. Puis la voix de Proudhon à travers celle d'Hélène Losseur. C'est un extrait de Qu'est-ce que la propriété, chapitre 2 de La propriété considérée comme droit naturel, texte de 1840. Alors on voit bien ce que reproche Proudhon à la propriété. Néanmoins, il y a quand même un paradoxe dans cette affirmation de la propriété, c'est le vol, c'est quand quoi posséder serait forcément du vol. Il faut peut-être revenir en fait même à l'expression la plus littérale qui soit, Anne-Sophie Chambost. Oui, alors déjà je signale que cet extrait en fait fait écho à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énumère effectivement au titre des droits naturels de l'homme la liberté, l'égalité, la sûreté et la propriété. Et en fait Proudhon reprend les termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme pour contester finalement le fait que la propriété serait un droit naturel et effectivement du coup pour répondre à votre question, la propriété n'a rien de naturel et la propriété du vol. Alors, je précise qu'il faut peut-être faire une petite distinction justement entre propriété et possession. La propriété, au terme du code civil, hein, pardon, c'est la juriste qui parle. Allez-y, au contraire, justement, on a besoin de votre éclairage. Au terme de l'article 544, la propriété est définie comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière absolue pour le propriétaire, bon, pourvu qu'on en fasse une utilisation conforme aux lois. Et donc, ce qui amène Proudhon à considérer la propriété comme le vol, c'est précisément cette capacité qu'aurait le propriétaire de jouir de manière absolue de sa propriété. Et pour le coup, effectivement, mis en perspective avec la propriété industrielle, puisque c'est aussi à cela que Proudhon songe en ce temps de première révolution industrielle avec les ravages sociaux que cela provoque, l'idée c'est que le propriétaire des forces de production, finalement, récupère le travail de ceux qui œuvrent pour lui. Et du coup, pour Proudhon, c'est là que se trouve véritablement l'abus et le vol. Alors que finalement, la possession n'induit pas justement cette capacité d'abuser de la chose. Et c'est la raison pour laquelle finalement, Proudhon, dès le premier mémoire, et il y reviendra dans la théorie de la propriété à la fin de sa vie, est plutôt finalement dans une logique de possession que de propriété. Ce que vous appelez premier mémoire, c'est qu'est-ce que la propriété ? On est d'accord ? Exactement. C'est ça. Exactement. Recherche sur le principe du droit et du gouvernement. Donc, un de ses premiers textes, qui est paru en 1840, et ce qui lui a donc valu une reconnaissance. Absolument. Une reconnaissance sulfureuse. Oui, sulfureuse, parce qu'il a été presque condamné. Enfin, il a manqué d'être condamné, en tout cas, pour ses propos. Absolument, il y a eu des poursuites. Alors, il s'est pas démonté puisqu'il y a deux autres mémoires sur la propriété, mais évidemment, en 1840, on est à l'époque de la monarchie de Juillet, l'avènement justement est de cette première révolution industrielle et des propriétaires. Et il faut admettre évidemment que l'ouvrage de Proudhon est quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière. Alors, vous avez fait la différence entre propriété et possession, et puis vous avez dit, d'ailleurs on l'entend dans le texte, et d'ailleurs en fait le texte interprété par Hélène Losser qu'on a entendu fait partie d'un chapitre qui s'intitule « De la propriété considérée comme droit naturel ». Vous nous avez dit « La propriété est considérée à tort comme un droit naturel », mais si ça n'est pas un droit naturel, est-ce qu'on peut dire que c'est un droit civil ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une construction historique, légale, institutionnelle ? Qu'est-ce que la propriété dans sa nature selon Proudhon ? Ben précisément, effectivement, si elle n'est pas un droit naturel, et donc là il va à rebours évidemment de ce qui se disait et de ce qui se pensait à l'époque, si la propriété n'est pas naturelle, elle est effectivement une construction. Elle est quelque chose d'historiquement situé, disons créé, et c'est évidemment du coup ce qui interroge Proudhon dans la mesure où, comme il le dit très bien dans ce texte, il est impossible d'associer deux propriétaires et donc il ne comprend pas comment on peut mettre la propriété à la base de la société. Dans la mesure où finalement la propriété, c'est l'égoïsme du propriétaire qui veut juste jouir et voire abuser tranquillement de sa propriété, et donc ça le rend évidemment du coup difficilement compatible avec le reste de la société. Donc la propriété est asociale. Oui, ce qu'on entend d'ailleurs dans le texte, il dit même antisocial. Est-ce qu'on peut objecter à Proudhon qu'il se trompe, j'ose le faire, qu'il se trompe sur la notion de propriété? Est-ce qu'on pourrait pas voir aussi la propriété comme non pas seulement des biens matériels dont on pourrait jouir, mais aussi des droits, par exemple, des capacités, la possibilité d'accomplir un certain nombre de choses? Est-ce qu'il n'a pas une vision extrêmement étroite de la propriété? D'ailleurs, vision qui est en fait essentiellement partagée. Quand on parle de propriété, on pense au fait de détenir une voiture, un appartement, plutôt qu'au fait de détenir des droits et des biens immatériels, mais pourtant c'est le cas. Oui, absolument, effectivement. Et c'est précisément la raison, je crois, pour laquelle il va quand même aussi évoluer sur cette question de la propriété. Il faut se rappeler par ailleurs que finalement, dans la réflexion de Proudhon, si vous voulez, vous avez en quelque sorte deux moments. Il y a une phase de destruction, de remise en cause des principes et des réalités du temps, dont il observe évidemment une fois de plus autour de la question sociale et de la misère ouvrière, les conséquences que ces principes peuvent avoir, en particulier le principe de la propriété, donc. Et puis, après cette phase, disons, destructive et de remise en cause des principes, eh bien, une phase plus constructive, en exergue d'un texte de 1846, Considération économique, il dit « Destruam et aedificabo », c'est-à-dire « je détruis et je construis ». Et du coup, dans la phase plus constructive, eh ben, il revient sur une conception peut-être plus positive de la propriété, effectivement, comme vous le disiez. Avec cette idée que la propriété, c'est aussi avoir des droits et pouvoir les défendre. Alors, on peut dire tout de suite, on va tout de suite tuer le suspense, Proudhon ne veut pas tuer la propriété telle qu'il le dit à la fin de son texte. Mmh, exactement. Il s'agira par la suite de reconsidérer la propriété. L'idée, si vous voulez, c'est plutôt celle d'une propriété sociale. En fait, ce qui le démarquera toujours, en particulier des juristes qui réfléchissent de son temps, hein, qui réfléchissent sur la propriété, c'est qu'on définit en général la propriété par son origine. Qu'est-ce qui fait naître la propriété? Alors que pour Proudhon, quand on considère la propriété, on doit en considérer la finalité. Et en fait, la propriété doit être tournée justement vers la société, vers cette idée d'une circulation des biens. Et du coup, l'idée de propriété sociale qu'il développe justement dans la deuxième moitié de son œuvre et jusqu'à la théorie de la propriété, qui est un texte qui paraîtra après sa mort, c'est cette idée, voilà, que finalement la propriété, si elle est partagée, si tout le monde peut en jouir et pas seulement quelques-uns, la propriété devient quelque chose qui peut justement permettre de réorganiser la société sur une base mutualiste. Alors, dans un texte de 1858 de la Justice dans la Révolution et dans l'Église, Proudhon dit « On a conclu que je voulais détruire la propriété, détruire une conception de l'esprit, une force économique, détruire l'institution que cette force et cette conception engendrent est aussi absurde que détruire la matière. Rien ne peut retourner à rien, cet axiome est aussi vrai des idées que des atomes. » Alors là, il y a deux choses quand même qui sont soulevées par ce texte par rapport à celui qu'on a entendu juste avant. Déjà, on a l'impression quand même qu'il parle de nouveau de propriété en termes presque matériels, mais j'entends par là pas en termes de biens matériels, mais en termes de puissance en fait matérielle contre laquelle on ne pourrait rien faire, presque quelque chose justement de naturel. La propriété, on ne peut pas s'en passer. Et en même temps, ce qui est paradoxal dans ce texte, c'est qu'il dit qu'elle a une telle puissance qu'on ne peut pas la supprimer. Mais comment on peut alors modifier la perception qu'on a de la propriété, l'usage économique et l'usage social qu'on en a? Anne-Sophie Chambost. Ben, précisément, dans une logique mutualiste, en fait, l'idée de Proudhon, en fait, Proudhon écrit, c'est aussi hein, un des griefs qui a été émis contre Proudhon par les marxistes, en fait, hein, si on le replace dans son temps, Proudhon écrit pour, on dira à ce moment-là, les petits propriétaires, artisans, propriétaires justement de leurs outils de production. Et l'idée de Proudhon, c'est de... reconsidérant finalement la société émancipée de l'État, l'idée c'est que ces petits propriétaires, ces petits artisans qui travaillent et produisent les uns et les autres doivent pouvoir échanger les biens qu'ils produisent directement. Et donc précisément c'est à partir de cette conception d'une petite propriété largement diffusée que Proudhon peut reconsidérer justement les échanges à l'intérieur de la société. C'est le mutualisme, c'est aussi ce qu'on appelle le fédéralisme, lapsus, fédéralisme industriel. Et par rapport à la première remarque que je faisais sur la dimension matérielle en fait de la propriété, sur sa définition atomiste qui ne pourrait presque pas, on ne peut pas supprimer la propriété parce que de toute façon elle est tellement ancrée, elle est tellement en nous qu'on ne peut pas la supprimer, et néanmoins il s'agirait de la transformer. Alors comment on arrive à résoudre ce paradoxe d'une propriété qui, on avait l'impression, ne faisait pas partie d'un droit naturel mais qui en fait est si naturel qu'on ne peut pas la supprimer. Mais est-ce que c'est véritablement un droit naturel de l'homme ou pour le coup, est-ce que ça n'est pas une sorte de droit social, la propriété? Est-ce que finalement, ça n'est pas la société qui est considérée comme... en quelque sorte, le propriétaire des choses, les hommes n'en ayant finalement qu'une sorte d'usage? Mmh. Je vous propose maintenant d'entendre, vous avez parlé de Marx, je vous propose d'écouter encore un extrait du Jeune Marx, le film de Raoul Peck, où justement on entend Marx poser cette question, comment dire, interroger cette déclaration de la propriété, c'est le vol, et notamment, non pas sur la propriété, mais sur le vol. Proudhon, je te présente Marx, les annales franco-allemandes. Bonjour. Marx. Enchanté. Ma femme, Jenny. Enchanté. Bonjour. Vous ne m'avez pas répondu sur la propriété. J'en ai donné une définition, je crois. Et le vol ? Vous le définissez comment ? Faut-il vraiment le définir ? Comme chacun sait, c'est la violation du bien d'autrui. Excusez-moi, mon français... Votre français est très beau. Merci. Alors, la propriété, le bien, c'est donc pareil. Vous dites la propriété et le vol. Quand je vole la propriété de quelqu'un, je vole quoi alors ? Le vol. Vous faites semblant de ne pas comprendre, je suppose. Karl ne fait jamais semblant. Ce qui veut dire, c'est que votre formule est une image. Une belle image, mais comme on dit chez vous, une image qui se mord la queue. Mon cher monsieur Marx, je consens volontiers à devenir l'un des aboutissants de votre correspondance, dont le but et l'organisation me semblent devoir être très utiles. Je prendrai aussi la liberté de faire quelques réserves qui me sont suggérées par divers passages de votre lettre. Peut-être conservez-vous encore l'opinion qu'aucune réforme n'est actuellement possible sans un coup de main, sans ce qu'on appelait jadis une révolution et qui n'est tout bonnement qu'une secousse. Cette opinion que je conçois, que j'excuse, que je discuterai volontiers, l'ayant moi-même longtemps partagé, je vous avoue que mes dernières études m'en ont fait complètement revenir. Je crois que nous n'avons pas besoin de cela pour réussir, et qu'en conséquence, nous ne devons point poser l'action révolutionnaire comme moyen de réforme sociale, parce que ce prétendu moyen serait tout simplement un appel à la force, à l'arbitraire. Bref, une contradiction. Je me pose ainsi le problème. Faire rentrer dans la société par une combinaison économique les richesses qui sont sorties de la société par une autre combinaison économique. En d'autres termes, tourner en économie politique la théorie de la propriété contre la propriété, de manière à engendrer ce que vous autres socialistes allemands appelez « communauté » et que je me bornerai pour le moment à appeler « liberté, égalité ». Or, je crois savoir le moyen de résoudre, à court délai, ce problème. Je préfère donc faire brûler la propriété à petit feu, plutôt que de lui donner une nouvelle force en faisant une Saint-Barthélemy des propriétaires. Voilà, mon cher philosophe, où j'en suis pour le moment. Sauf à me tromper, et s'il y a lieu à recevoir la férule de votre main, ce à quoi je me soumets de bonne grâce, en attendant ma revanche. C'était une lettre que Proudhon a adressée à Marx le 17 mai 1846, interprétée ici par Hélène Losseur. Alors il faut revenir sur ces rapports entre Marx et Proudhon. On a parlé hier du rapport des anarchistes aux marxistes, mais là c'est beaucoup plus précis. Tout a très bien commencé entre Marx et Proudhon et puis peu à peu ça s'est envenimé et sûrement sur la question de la révolution comme on l'a entendu dans cette lettre. Anne-Sophie Chambost. Oui, en effet. Alors, les choses avaient plutôt bien commencé dans la mesure où Marx a été très laudatif sur les premiers ouvrages de Proudhon. Il trouve en particulier chez Proudhon les origines en fait de la notion de plus-value les choses se gâtent entre ces deux hommes qui se sont un peu rencontrés autour de la stratégie, en fait, et on le voit bien dans cet extrait de texte, la stratégie de diffusion du socialisme et du développement d'une révolution socialiste. Proudhon qu'on prend certainement, manifestement, à la légère la proposition qui lui est faite par Marx. Et en même temps, ce qu'il n'y a pas là dans l'extrait qui a été retenu, il y a une sorte de mise en garde faite par Proudhon à Marx contre toute tentation, justement, dogmatique. Et il lui dit, au point où nous en sommes, faisons-nous plutôt une bonne polémique, une bonne querelle, plutôt que d'enrégimenter, finalement, le peuple derrière une pensée dogmatique. Il y a cette idée de Proudhon, en fait, qu'on peut tout discuter, y compris sa propre pensée. Et donc, de ce point de vue-là, il sera assez servi dans la mesure où Marx va lui réserver une très belle polémique. Et alors, quelle belle polémique va lui réserver Marx? Comment ils vont en venir finalement, alors pas aux mains, mais véritablement à se détester et à se reprendre sur des points qui ne sont pas juste de la détestation personnelle. C'est vraiment une vraie querelle intellectuelle. Alors, il y a eu on a parlé de la révolution, mais il y a aussi plus que cette idée d'être plus ou moins révolutionnaire, plutôt du côté de la réforme ou de la révolution. Il y a aussi quand même cette idée dans cette lettre que ce que Marx veut faire, c'est faire une révolution avec les mêmes moyens que ceux contre quoi il veut faire la révolution, à savoir de la force et de l'arbitraire. Oui, tout à fait. Proudhon écrit donc le système des contradictions économiques, intitulé Philosophie de la misère, et Marx, après justement cette correspondance où Proudhon ne donne pas complètement suite à une proposition faite par Marx, Marx fera une espèce d'exégèse extrêmement sévère du système des contradictions économiques dans un texte qui s'appelle Misère de la philosophie, où il reprend en effet, Proudhon, et à partir de ce moment-là, il va, dès qu'il en aura l'occasion, contester Proudhon, y compris d'ailleurs après la mort de Proudhon, où finalement on sait aussi toute l'énergie mise par Marx pour faire en sorte que, en France, le socialisme ne soit pas réduit à la pensée de Proudhon. Je dois dire que Marx a mis beaucoup plus d'énergie à dénoncer Proudhon que Proudhon à dénoncer Marx, dans la mesure où finalement le Marx que nous connaissons aujourd'hui n'est pas celui que Proudhon a connu. Pour Proudhon, Marx est un auteur, un jeune journaliste qui a des idées, des projets, mais qui n'est pas encore le Marx que nous connaissons. Donc il y a un décalage aussi entre les deux auteurs. Mais Proudhon, dans cette lettre, dit autre chose juste après cette accusation, ou du moins cette mise en garde de Marx sur la Révolution, lui dit « j'aimerais tourner la théorie de la propriété contre la propriété de manière à engendrer ce que vous autres socialistes allemands appelez communauté ». Est-ce que pour contrer cette idée de la propriété, c'est le vol, et est-ce que je peux voler quelque chose à quelqu'un dans la mesure où en fait rien ne lui appartient, donc en fait je vais voler le vol, on l'a entendu dans l'extrait du film de Raoul Peck, est-ce que c'est ce vers quoi la révolution ou du moins la transformation de Pierre-Joseph Proudhon veut absolument tendre, à savoir une forme de communauté, de partage des biens, ce qu'il faut véritablement l'appeler communauté? Ah non, alors certainement pas, puisque Proudhon est d'emblée opposé à toute idée communiste, qui à cette époque-là n'est pas développée par Marx, mais se trouve au cœur d'un certain nombre de textes utopistes, avec cette idée effectivement d'un partage communautaire de la propriété. Ça ne convient pas plus à Proudhon. En réalité, Proudhon est à la fois opposé à une pensée, disons, libérale en matière économiste et extrêmement individualiste pour le coup, et il est aussi opposé à toute pensée communiste, et c'est précisément entre les deux qu'il introduit cette espèce de troisième voie qui serait celle du mutualisme, en fait. Et alors, quelle forme prendrait en fait la propriété? Est-ce que ça serait juste un changement de nom presque? Est-ce que ce serait juste la possession? Qu'est-ce que ça engage en fait d'être précisément entre l'individualisme et le communisme en termes de propriété? En fait, ça engage effectivement cette idée de, je pense qu'on est plus proche de la possession que de la propriété au sens défini donc dans le code civil, hein, droit de jouir et des biens de façon absolue pour le coup. On est donc dans quelque chose qui relève davantage, à mon sens, de la possession. Et puis c'est la propriété tournée vers le travail, une fois de plus, la production, la circulation des biens. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de propriété collective et non pas commune ? On pourrait mieux parler de propriété collective que de propriété commune, en effet. Mais ce serait un petit peu vague et ça rendrait peut-être pas vraiment ça compte. Ça rend pas exactement justice, en fait, à l'idée de Proudhon, mais une fois de plus, qui est pas ultra précise. C'est-à-dire, après, il évolue vers cette idée de mutualité et de circulation, finalement, des biens. C'est ça. C'est ce à quoi il est véritablement attentif, plus que de continuer à réfléchir sur la propriété en tant que telle. Et très concrètement, ça prend quelle forme, Anne-Sophie Chambos ? Par exemple, la circulation des biens, c'est par exemple, j'ai une voiture un jour et le lendemain, elle est à quelqu'un d'autre. Donc en fait, elle n'appartient à personne, sauf à un collectif où en fait, on va se redistribuer les richesses. Finalement, c'est un modèle de redistribution sociale des richesses où la maison peut être partagée, on peut tous vivre ensemble dedans, ou à l'inverse, on se la prête. Comment en fait peut être calculée non seulement cette redistribution, et comment fonctionne cette redistribution ? Alors là, ce serait les exemples que vous prenez sont vraiment une transposition très très contemporaine. Tel que Proudhon réfléchit les choses, on est vraiment dans cette idée que il faut que tout un chacun puisse produire, et pas seulement donc les gros propriétaires des forces de production. Il faut que tous les ouvriers, tous les paysans puissent produire eux-mêmes et sans dépendre de quelqu'un d'autre, et engageant justement leur travail, qu'ils puissent recevoir autant que eux produisent. L'idée de Proudhon, on le sait, en 1848-49, a été de penser un temps à créer une banque du peuple. Et le principe de cette banque du peuple était précisément de favoriser le crédit gratuit pour améliorer justement la production et la circulation des biens. Mais paradoxalement, à vous écouter, Anne-Sophie Chambos, on a quand même l'impression que le fait d'être rétribué en fonction du travail qu'on a accompli revient à une vision extrêmement capitaliste du travail et du partage qui est en fonction qui reviendrait en fait à cette phrase qu'on entend tout le temps, c'est travailler plus pour gagner plus finalement. Comment peut être calculée cette rétribution de manière égale, alors que justement tout le problème de Proudhon va être de repenser une égalité de la propriété ? C'est pas travailler plus, c'est travailler différemment, c'est déjà travailler pour soi. Contrairement à ce qui se passe à l'époque à laquelle Proudhon écrit, hein, une fois de plus, il faut quand même contextualiser sa pensée. Et effectivement, c'est une... Comment dire, c'est une autre façon de penser le capitalisme. On a reproché effectivement à Proudhon de considérer à un moment qu'on ne pouvait pas supprimer finalement le capital. Et donc l'idée, c'est juste d'équilibrer capital et travail. Je vous propose maintenant, Anne-Sophie Chambos, de passer à la vie politique de Pierre-Joseph Proudhon, qui n'est pas sans rapport justement avec son rapport à la propriété et à la question dans la manière dont les individus, les citoyens, peuvent s'approprier la dimension politique. Élu depuis 15 jours représentant du peuple, j'étais entré à l'Assemblée nationale avec la timidité d'un enfant, avec l'ardeur d'un néophyte. Assidu dès 9h aux réunions des bureaux et des comités, je ne quittais l'Assemblée que le soir, épuisé de fatigue et de dégoût. Depuis que j'avais mis le pied sur le Sinaï parlementaire, j'avais cessé d'être en rapport avec les masses. À force de m'absorber dans mes travaux législatifs, j'avais entièrement perdu de vue les choses courantes. Je ne savais rien, ni de la situation des ateliers nationaux, ni de la politique du gouvernement, ni des intrigues qui se croisaient au sein de l'Assemblée. Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu'on appelle une assemblée nationale pour concevoir comment les hommes qui ignorent le plus complètement l'état d'un pays sont presque toujours ceux qui le représentent. Je m'étais mis à lire tout ce que le bureau de distribution remet aux représentants, propositions, rapports, brochures, jusqu'aux moniteurs et aux bulletins des lois. La plupart de mes collègues de la gauche et de l'extrême gauche étaient dans la même perplexité d'esprit, dans la même ignorance des faits quotidiens. On ne parlait des ateliers nationaux qu'avec une sorte d'effroi. Car la peur du peuple est le mal de tous ceux qui appartiennent à l'autorité. Le peuple, pour le pouvoir, c'est l'ennemi. Chaque jour, nous votions aux ateliers nationaux de nouveaux subsides, en frémissant de l'incapacité du pouvoir et de notre propre impuissance. Alors j'aime tout particulièrement ce texte de Pierre-Joseph Proudhon, extrait des Confessions d'un révolutionnaire, c'est le chapitre 10, 23-26 juin, réaction Cavaignac, un texte de 1849 qu'on vient d'entendre interpréter par Hélène Losser. Je l'aime tout particulièrement parce qu'il met très bien en avant ce paradoxe du pouvoir qui peut être impuissant, mais aussi parce qu'il semble très actuel. Quand on entend Proudhon parler de son expérience de député, on a l'impression qu'il nous parle de ce qu'on entend actuellement en termes de déconnexion des élites. Paradoxalement, les hommes qui ignorent le plus l'état d'un pays sont ceux qui le représentent. Anne-Sophie Chambost. Oui, effectivement, c'est un passage bien connu de Proudhon. Proudhon est un contemporain donc de la Révolution de février 1848. Il est pris de court, un peu comme tout le monde. Hein. C'est un des paradoxes, c'est-à-dire que tous ces socialistes attendent la Révolution et puis quand elle survient finalement, ils sont un peu pris de court. D'emblée, il est assez sceptique en fait sur la portée de cette Révolution, qui ne lui apparaît d'emblée que comme une révolution politique. Une révolution sans idée, il dit même, une idéomanie gouvernementale. Ouais. Il pense que une fois de plus, le peuple se fera avoir, comme ça avait été déjà le cas en 1830. Donc voilà, il est sans illusion. Pour autant, du fait de l'avènement du suffrage universel, masculin, pour revenir à ce que vous disiez précédemment. Précisons. Proudhon a quand même la tentation d'aller voir à l'Assemblée ce qu'on peut faire. Et très vite, le constat, c'est qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et il est en effet le contemporain de la fermeture des ateliers nationaux, qui est une initiative qui avait été prise par le gouvernement provisoire sur les instances de Louis Blanc, autre socialiste, Louis Blanc considérant effectivement que il faut réorganiser le travail, mais par l'État. Ce qui distingue Proudhon de Louis Blanc, c'est précisément le rôle de l'État dans la révolution, si vous voulez, socialiste. Et Proudhon considère que ça n'est évidemment pas la solution, et c'est précisément contre cette idée de rôle de l'État dans l'économie que Proudhon oppose son projet de Banque du Peuple. Mais à l'Assemblée nationale, il est bien obligé de constater son impuissance complète. Et c'est ce dont rend compte ce texte. Et à partir de ce moment-là, effectivement, Proudhon va évoluer dans une opposition à toute forme de représentation. Est-ce que c'est là que se construit aussi son opposition entre société et État ? Alors, je pense qu'elle est déjà là. Je pense que dès le premier mémoire, donc dès le texte de 1840, il y a déjà cette tension, en fait, entre l'État et la société. La société peut s'organiser par elle-même. Du point de vue du droit, c'est ce que j'avais essayé de démontrer dans ma thèse, Proudhon récuse absolument l'idée selon laquelle la loi étatique doit organiser la société. La société peut organiser elle-même, finalement, son propre ordre. Et ça, c'est déjà dans son œuvre en 1840. Mais effectivement, à partir de 1848, l'opposition, disons, société-État va devenir vraiment un thème complètement récurrent. Et les derniers textes de Proudhon, que ce soit le principe fédératif ou la capacité politique des classes ouvrières, consistent précisément à essayer de démontrer comment la société peut exister sans l'État, ou en tout cas avec moins d'État. Alors ça, c'est vraiment une question qui est passionnante, parce que qu'est-ce que la société sans l'État ? Alors on peut se dire que l'État, on en a parlé hier, est un habillage idéologique, un habillage politicien, partisan, mais que reste-t-il de la société d'un point de vue politique dès lors qu'il n'y a plus d'État ? Et comment penser une société comme un État social unifié dès lors qu'il n'y a plus rien pour la contenir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Dès lors qu'on n'en fait plus une somme d'individus. En fait, il a cette conception de l'autorité, si vous voulez, qui n'est pas descendante, ce qui est dans la logique étatique, c'est-à-dire l'autorité descend de l'État. Il est plutôt dans cette idée d'une autorité sociale qui émane de la société, donc par en bas. Et c'est pour ça que à l'État centralisé, qui est ce qu'il observe à son époque, il oppose l'idée de grandes fonctions politiques, des grands services publics. Ça sera d'ailleurs repris par un certain nombre de juristes de la fin du XIXe siècle. Des grands services publics qui seraient comme des tuteurs, si vous voulez, au sens pour les plantes presque, non de, ouais, exactement de, pour bien croître. Absolument. Et la société tournerait, si vous voulez, autour de ces tuteurs. Et donc c'est pour ça que je dis, il y a pas Proudhon est un anarchiste, mais ce qu'il refuse, c'est l'autorité. L'État, il le dilue. Il est moins radical à la fin de son œuvre sur son opposition à l'État qu'il ne l'était en 1840. Je pense que là aussi, en 1840, il y a cette formule « je suis anarchiste » et on en déduit une opposition complète à l'État. C'est plus complexe que ça, en réalité. Alors, de quelle manière c'est plus complexe? Est-ce que c'est une manière, en fait, de dire que la société a quand même un peu besoin d'État? Vous l'avez dit, hein, tout à l'heure, non pas plus d'État, mais un peu moins d'État. Est-ce que ça joue à ce niveau-là, cette complexité? Et alors, de quoi la société a besoin dans l'État? Ben, la société, telle que Proudhon l'envisage déjà, elle est organisée sur la base d'un ensemble de groupes, de corps sociaux. Qui se forment de manière spontanée, selon exactement, lui. Mmh. Exactement. Des corps sociaux qui seront différents types de groupements, d'associations, avec différents objets, mais en particulier évidemment l'objet économique. Et donc ça existe. D'après Proudhon, naturellement, la société n'est pas un agrégat d'individus isolés les uns des autres. En fait, les individus évoluent dans des groupes et ces groupes se structurent eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, Proudhon développe une pensée fédéraliste que je dirais infra et extra-étatique. En fait, c'est un peu comme si il noyait l'État dans une perspective fédéraliste beaucoup plus générale. Donc finalement, il se produit un renversement de perspective. Ce n'est plus l'État qui transcende en fait la société, c'est vraiment la société dans sa réalité sociale qui va finalement intégrer l'État à son fonctionnement. Voilà, c'est ça. Et effectivement, l'État n'étant plus que cette espèce de tuteur qui coordonne en fait, qui permet au groupe de se coordonner les uns avec les autres. Moi, je dis trois choses simples. Ne jamais négocier, ne jamais voter et prendre les armes quand il le faudra. Mais tu veux tous te faire tuer, c'est ça ? Mais vous comprenez pas que vous êtes plus fort qu'eux, simplement parce que vous avez faim. Ce qu'il nous faut, c'est des bons représentants au Parlement. C'est ce qu'ils font, les socialistes. Ah bon, tu trouves que les socialistes te représentent bien ? Bah ouais. Ils passent leur temps à discuter de plans d'action qui n'aboutiront jamais, mais vous le savez très bien. Quand vous votez pour eux, ou pour qui que ce soit d'ailleurs, vous votez pour ceux qui créent les lois qui protègent les riches, et tue les pauvres. Tu proposes quoi, d'ailleurs? Mais tu sais très bien ce que je propose, Victor. Tu sais très bien. Arrêter les compromissions, prendre l'argent où il y en a, et se préparer au combat de rue. Bravo. Amen. Bravo. C'est n'importe quoi. Il faut se préparer au combat. On doit se préparer au combat. Ils vont nous attaquer. Il faudra se défendre. On s'est laissé endormir par leur idée de progrès. Mais quel progrès, les amis, quel progrès nous apporte le bonheur dont ils parlent tant? Le bonheur, c'est quoi? C'est de lire. C'est de s'embrasser, c'est de penser. C'est de vivre le bonheur, d'être libre. C'est pas de se syndiquer. C'était un extrait du film Les Anarchistes, le film de Elie Wajman de 2015. Alors cet extrait est très intéressant parce qu'on y entend effectivement le refus en fait de ce groupe anarchiste d'être pris dans les filets d'un groupe qui serait produit artificiellement et sous le contrôle de l'État qui serait le syndicat, mais aussi parce qu'il y a cette idée de ne pas voter. Et ça, c'est vrai que c'est une critique qu'on retrouve beaucoup chez Proudhon, cette critique du suffrage universel et finalement de la représentation du fait que certains individus ne seraient pas plus aptes que d'autres pour représenter les autres. Anne-Sophie Chambost. Oui, tout à fait, effectivement. Alors ça, c'est vraiment au cœur du dernier ouvrage de Proudhon, La capacité politique des classes ouvrières, qui est un texte qu'il publie, enfin en tout cas qu'il rédige, puisqu'il ne le publiera pas, il sera mort avant, mais qu'il rédige contre le manifeste des 60, c'est-à-dire que en 1863-64 il y a une tentation chez un certain nombre d'ouvriers de proposer des candidatures ouvrières avec cette idée que ceux qui seraient élus auraient une sorte de mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils arriveraient à la Chambre pour défendre les intérêts des ouvriers, et uniquement les intérêts des ouvriers. Et Proudhon, dont fort de son expérience de 1848 à l'Assemblée nationale, considère que c'est une erreur, précisément, que de participer au vote, puisque c'est une façon finalement de légitimer le système tel qu'il existe. Et dans la capacité politique des classes ouvrières, Proudhon réfléchit à une autre forme de représentation, puisqu'une fois de plus, là aussi, c'est toujours plus nuancé, hein, il y a cette idée d'un refus, et puis en réalité, on réfléchit. Et Proudhon se dit, mais finalement, en marge de la représentation de la nation fondée sur le suffrage, eh bien, il faudrait organiser une représentation de la société, et de la société du travail. Et il développe cette idée d'une chambre sociale dont on voit en général, en fait, en Proudhon, l'un des père fondateur du Conseil économique, social et environnemental. Voilà, une représentation de la société en marge de la représentation de la nation. Donc, il ne renonce pas à l'idée de représentation. Le problème ne réside pas dans cette idée de représentation, c'est ça ? Oui, il faut en changer la forme. D'accord. C'est-à-dire, il récuse une représentation qui serait uniquement fondée sur la somme des votes individuels. Oui, parce que c'est vrai que c'est intéressant cette idée du vote, en fait, qui, selon Proudhon, et c'est une bonne objection à faire à la question du vote, réduit finalement la société à une somme d'individus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, une sorte d'atomisme par lequel le législateur, ne pouvant faire parler le peuple dans l'unité de son essence, invite les citoyens à exprimer leur opinion par tête, comme si de l'addition d'une quantité quelconque des suffrages pouvait jamais résulter une pensée générale. Ça, c'est dans Solution du problème social, un texte de 1848. Et ça, c'est extrêmement fort, parce qu'on a même l'impression d'entendre Proudhon préfigurer toutes les thèses sociologiques qu'on pourra trouver chez un Émile Durkheim sur la société, enfin sur les faits généraux sociaux. Ouais. Absolument. Mais Durkheim a été un lecteur de Proudhon. Disons que l'idée de conscience collective de Durkheim emprunte, selon moi, à l'idée de raison collective de Proudhon dans De la justice, dans la Révolution et dans l'Église. Proudhon est considéré aussi comme un des penseur qui a été beaucoup mobilisé par ceux qui allaient devenir justement les pères de la sociologie française. Et cette idée de révolution, en fait, hein, on l'a vu, il la minore beaucoup chez Marx, mais tout ce que propose Proudhon en termes de transformation dans le rapport à la propriété, dans le rapport au partage, qui ne soit pas non plus quelque chose de qui relève du communisme, dans la représentation politique, dans ce qu'il dit des syndicats, il s'oppose à la révolution de Marx, mais néanmoins cette transformation-là, elle serait proprement révolutionnaire. Comment on peut vouloir de telles choses pour un pays en se passant de la révolution ? Est-ce que c'est possible ? Alors, je ne sais pas si c'est possible. Je pense en effet que là aussi, il faut avoir à l'esprit que Proudhon veut protéger le peuple contre les aléas et les violences de la Révolution. C'est un homme de son temps, de ce point de vue-là, et il me semble par exemple que les journées de juin ont été un des nombreux traumatismes d'un penseur qui, du coup, se dit qu'il faut effectivement révolutionner la société, mais pas par la violence révolutionnaire. Est-ce qu'on peut le faire sans cela ? Je pense que l'expérience, Proudhon n'a pas eu la possibilité de l'avoir, l'expérience tend sans doute à prouver que non. Merci. On ne peut pas faire sans violence. On ne peut pas faire sans violence. Eh bien, on finira avec ces paroles. Merci beaucoup, Anne-Sophie Chambos. Je rappelle le titre de vos ouvrages sur Proudhon. Donc, Proudhon, l'enfant terrible du socialisme, c'est aux éditions Armand Collin. Proudhon et la norme, pensée juridique d'un anarchiste, aux éditions Presse universitaire de Rennes. Et puis j'ajoute aussi que vous avez dirigé l'ouvrage collectif Approche culturelle des savoirs juridiques, c'est aux éditions LGDJ. Merci beaucoup. Interdit d'entrer, parler ou fumer, être sans papier, même s'allumer, parler c'est l'affaire de tout un chacun. Mes calmes nerfs, angoisse et chagrin. La propriété, c'est le vol. La sobriété, c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Mais James a levé un tac. Monsieur Nabokov, pour notre télé, Lisa Smirnoff déguisée en thé. La télévision bannit le plaisir. Famille et ronron, cesse ou s'abstenir. La propriété, c'est le vol. La sobriété, c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Mais tu as une attaque. L'envers, c'est l'État, le tyran public. Et toutes les soies, plus en république. La loi s'est tuée, tous les tiers États. Fumer prohibé. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Brigitte Fontaine d'Uralex. Il est 10h54 et c'est l'heure maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Vogt, le pourquoi du comment. Sans la critique, la vie humaine est-elle possible? La critique semble d'abord être un luxe. Il y a d'abord un savoir, d'abord des opinions et ensuite l'acte de les critiquer et parfois qui pose aussi autant de problèmes qu'ils ne cherchent à en résoudre. Mais peut-être la pensée critique n'est-elle pas seconde par rapport à une première pensée, mais la naissance de la pensée elle-même. Penser, c'est d'abord critiquer, c'est d'abord discuter, c'est dire il ne peut pas en être ainsi. Au début de la philosophie, par exemple chez Socrate, il commence quand même par se dire, ben non, la justice n'est pas peut-être la loi du plus fort. Mais qu'est-ce que la justice? Je n'en sais rien. Il faut discuter, il faut critiquer les opinions des uns et des autres. Et même Socrate, quand il apprend de l'oracle de Delphes qu'il est le plus savant des hommes, il commence par s'indigner presque et par dire, moi, mais en fait, je ne sais rien. Et il réalise, et ça n'est pas seulement une fable pour élèves de terminale, pourrait-on dire, ou pour de classe de philosophie, il réalise qu'il sait d'abord qu'il ne sait rien. La critique, c'est l'étape d'abord du doute, l'étape qui fait qu'un savoir doit être démontré, justifié, toujours rejustifié. La critique, c'est d'abord aussi l'acte de distinguer. En grec, le mot krisis, qui a donné la critique, c'est toujours la limite entre deux choses. C'est le filtre, c'est le tamis. La crise, c'est toujours entre la vie et la mort dans la vie, mais dans la pensée critique, c'est toujours d'abord de distinguer. Penser, définir, c'est d'abord un acte négatif. C'est dire au moins autant ce qu'une chose n'est pas, et peut-être ne peut pas et ne doit pas être autant que ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait ou ce qu'elle devrait être. Non, en effet, la justice n'est pas la loi du plus fort, car la force n'implique pas le consentement des uns et des autres, et alors il va falloir définir la justice autrement, peut-être pas d'ailleurs seulement par un autre critère de répartition, à chacun selon, mais d'abord par l'accord des uns et des autres, sur une procédure même de distribution. Si on dit à chacun selon son travail, par exemple, c'est un bon critère en principe, mais malgré tout, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce critère et sur la manière de parler ensemble. Ainsi, la critique n'est pas seulement une condition de la pensée, de la réflexion, de la science, c'est aussi une condition évidemment de la vie commune. La critique met en forme non seulement le monde par des distinctions, des définitions qui ont quelque chose de négatif. Spinoza disait « toute détermination est une négation ». Mais la critique, c'est aussi, et d'abord peut-être, la mise en forme des conflits entre les humains, de nos désaccords. Ainsi, la pensée critique dessine des oppositions entre les choses, distingue des faits, pose des limites. C'est la question même de la limite, mais elle permet surtout de penser les limites entre les hommes. Une pensée critique n'est donc pas du tout un luxe. C'est la condition de notre vie dans le monde, c'est la condition de l'accès à l'humanité, c'est la condition de notre vie commune. La critique n'est pas par hasard au cœur même de la philosophie, au cœur même de toutes les activités humaines. Même si elle a quelque chose de pénible, elle a un peu de sel, c'est l'esprit qui toujours nie. Mais au fond de chaque négation, il y a une affirmation. Il y a l'affirmation non seulement de ce à quoi nous croyons, mais de la nécessité de le défendre, de la nécessité même de penser, de convaincre, de partager. Et le fait que ça n'est pas donné, mais doit être toujours repris. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission. Jules Barbier, Carla Michel, Adèle Van Rhett, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Laurence Malonda et à la prise de son aujourd'hui Audrey Guélil, Hélène Losseur à la lecture des textes et un grand merci aussi à l'équipe technique de France Bleu Lyon. Pour écouter ou réécouter cette deuxième émission sur l'anarchie, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie ou sur l'application Radio France et rendez-vous demain pour la suite. Et demain, nous parlerons de l'anarchie en pratique. Comment réaliser l'utopie ? Eh bien, ce sera avec Jean-Christophe Angot.